بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة غافر سورة غافر باردونا في المسألة السادسة والخمسين بعد المئة 156e مسألة في قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا et qu'ils demandent pardon pour ceux qui ont cru c'est-à-dire les anges demandent pardon pour ceux qui ont cru verset 7 غافر قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض خاص بالمؤمنين منهم وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك وهي قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض الشورى Donc ce noble verset démontre que la demande de pardon des malaïka est pour les gens de la terre parmi ceux qui ont cru ou du moins pour ceux qui ont cru seulement. Et pourtant, un autre verset est venu démontrant, dans son apparent, l'opposé de cela, c'est-à-dire qu'il demande le pardon pour tout le monde. Dans le sens où Allah dit, et il demande le pardon pour ceux qui sont sur terre. Shura, la consultation, verset 5. Donc on a un verset qui démontre que la demande de pardon n'est que pour les mu'minines, et un autre verset qui démontre que c'est pour tous les gens qui sont sur terre. Et ça, bien évidemment, la réponse est claire, comme va la donner l'auteur, rahmallahu ta'ala. Al-jawabu anna ayat ghafir. مخصصة لآية الشورى والمعنى ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين لوجوب تخصيص العام بالخاص La réponse, tout simplement que le verset de Ghafir qu'on a pris aujourd'hui, c'est un verset qui vient pour spécifier la généralité comprise dans le verset 2, la consultation. C'est-à-dire qu'en fait, il demande pardon pour ceux qui sont sur terre parmi les croyants. Pour les croyants qui sont sur terre et non pas pour tout le monde. Car il est obligatoire, justement, lorsqu'on a un verset spécifique et un verset général, de prendre cette spécification pour en arriver au résultat voulu. Wallahu ta'ala alam, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.